Galaxy France avec Amélie Colbert. Avec Cyril. Bon après-midi avec la chanson française des années 80 à nos jours. On avait donc Amélie Colbert, Laurent Voulzy ou encore Emmanuel Moir avec Mon Essentiel ou encore Nilda Fernandez avec Nos Fiançailles et Grosse Tristesse dimanche quand on a appris son décès à l'âge de 61 ans. Ouais, la vie est parfois injuste. Nous lui rendrons donc hommage très très vite sur Maxi France. Restez bien à l'écoute, hein. On va vous diffuser un petit concert sympa de 25 minutes avec des versions bien à Nilda et il est plutôt sympa. Voilà, donc on va lui rendre hommage d'ici quelques jours en direct donc sur Maxi France. Et puis on vous proposera certainement une journée spéciale Nilda Fernandez où on vous présentera l'un de ses albums daté des années 90. Voilà, avec diffusion de ses plus grands titres, bien évidemment. Elliot avec J'attendais l'hiver. Il y aura également Alain Chamfort pour la suite avec Rendez-vous au paradis ou tout de suite la nouveauté qui va bien, la nouveauté qui devrait mettre un petit peu de gaieté, un petit peu de soleil pour l'été. Oui, on va le dire comme ça. Avec les New Gypsy. Sans amour, on n'est rien. La relève des Gypsy Kings est là. Nouveauté sur Maxi France. On disait de lui qu'il avait tout, qu'il était riche. On disait qu'il n'avait pas de raison de pleurer. Les gens peuvent mentir, mais le cœur jamais ne triche. Son cœur à lui de battre s'était arrêté.